Moi j'aime les hommes qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont pas peur quand ils sont amoureux, de vous serrer dans leurs bras vigoureux, tellement fort qu'ils vous couvrent de bleu. Moi j'aime les hommes qui pour parler d'amour ne prennent pas des airs de troubadour, mais qui vous disent au premier rendez-vous: tu m'as plus, je t'ai plus, aimons-nous. Qui vous font perdre la tête en dansant, qui ne piquent pas une ronflette en dormant. Moi j'aime les hommes qui ont du tempérament, mais pas seulement le soir du jour de l'an. Ceux qui vous font des trucs et des machins tellement bien qu'on n'y comprend plus rien. Il y a des beaux gars qui feraient des dégâts, ils sont un peu là, mais ils n'osent pas. Il y a des vieux messieurs bien plus audacieux qui sont décidés, mais trop fatigués. Et entre les deux, il y a des amoureux qui sont trop vieux jeu. C'est pas ce que je veux. Moi j'aime les hommes qui sont tout à la fois très romantiques et même assez adroits pour vous offrir un bijou de valeur en même temps qu'ils vous offrent leur cœur. Moi j'aime les hommes qui dans un seul baiser vous font passer des courants embrasés, puis des frissons si glacés que chaque fois on en sort avec un chaud effroi. Et pourtant comme toutes les femmes, c'est curieux, je suis au fond de mon âme très fleur bleue. Et l'on pourrait faire battre mon cœur avec un rien, avec deux sous de fleurs, trois petits mots, quatre gestes empressés. Sincèrement, si c'est bien, c'est assez. Mais comme les hommes ne nous comprennent pas, il n'y a qu'un moyen, il faut l'aimer trop pas. Et bien prouver à ces grands orgueilleux qu'après tout, on n'a pas besoin d'eux. Car tous les hommes ont voulu de tout temps faire de nous des esclaves, et pourtant vous n'avez rien de plus que nous messieurs, rien du tout, rien du tout, ou si peu.